بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فها نحن اليوم في الدرس الثامن. Nous allons commencer aujourd'hui le cours numéro 8 في الشرح على كتاب الصيام, dans l'explication du chapitre du jeûne. وقد رأينا في الدرس الماضي إجماع العلماء على أن من جامع امرأته في رمضان متعمدا لزمته الكفارة. لزمته الكفارة. On a vu que celui qui, on a vu donc lors du cours précédent que celui qui, on a vu lors du cours précédent que celui donc qui a accompli un rapport avec son épouse pendant le mois de Ramadan intentionnellement, alors il lui incombe donc l'expiation. Nous allons continuer dans ce même sujet. Nous avons vu, excusez-moi, l'unanimité des savants sur ce sujet. L'unanimité des savants sur le fait que celui qui a un rapport avec son épouse pendant la journée de Ramadan, il lui incombe l'expiation. On continue donc dans ce sujet et on dit aujourd'hui « اختلفت العلماء في المرأة التي تطوعت في ذلك » Et les savants, ils ont divergé concernant la femme qui a obéi et qui a suivi son mari en cela. « فذهبت الشافعية إلى أنه لا كفارة على المرأة مستدلين بحديث الباب » لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كفارة على المرأة واكتفى بذكر كفارة واحدة وهي الكفارة على السائل. Et donc les savants, ils ont divergé concernant la femme qui a obéi à son mari en cela lorsqu'elle a accompli un rapport avec lui pendant le mois de Ramadan en pleine journée. Et donc les savants de l'école Shafi'ite, il voit que cette femme, il ne lui incombe pas de faire quelconque expiation. Pourquoi ? Il se base donc sur le hadith qu'on étudie actuellement. Le hadith donc qu'on étudie actuellement, l'homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Halaktu ya Rasulallah, je suis dans la perdition, j'ai fait un acte menant à la perdition au messager d'Allah. » Pourquoi ? Parce que dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité d'expiation pour la femme. Mais il a cité, il s'est suffi de citer une expiation, une seule. Et c'est celle qu'il a donnée à l'homme qu'il a interrogé. À l'homme qu'il a interrogé. Il lui a dit, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ça, etc. Le hadith. Et donc il s'est suffi de citer ça, cette expiation pour cet homme-là. Il ne lui a pas dit par contre, et donc toi tu as cette expiation-là et elle est là. Telle expiation. أما الجمهور وهم الأحناف والمالكية والحنابلة فذهبوا إلى وجوب الكفارة على الرجل والمرأة. En ce qui concerne la majorité des ulama, et c'est-à-dire les Ahnaf, les savants de l'école Hanafite, Malikite et Hanbalite, ils voient donc qu'il incombe aussi à la femme de faire donc cette expiation. وَأَجَابُ عَنْ إِسْتِدْلَالِ الشَّافِعِي بِأَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ كَفَّارَةٍ. Et donc ils ont répondu à la façon dont Shafi'i a utilisé la preuve en disant qu'il n'y a pas dans ce hadith la citation d'une quelconque donc expiation pour la femme. Ce qui est voulu par là, al-murad ay anna hadha al-hadith la yadullu ala ithbati kaffaratin wala nafy kaffaratin lil mar'a. Il dit donc ce hadith, il n'y a pas dans ce hadith le fait qu'il y ait une expiation pour la femme ou qu'il n'y en ait pas. Ce n'est pas, il n'y a pas donc dans ce hadith ce qui montre qu'il n'y a pas d'expiation clairement pour la femme. وكذلك قالوا ان الرجل سال عن نفسه. Ils ont aussi dit que l'homme, il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant sa propre personne. Et donc le prophète lui a répondu concernant donc sa propre personne, concernant son expiation. وَكَذَلِكَ وَهَذَا أَقْوَى مَا عِنْدَهُمْ أَنَّ سُكُوتَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنِ الْمَرْأَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى سُكُوتِ الْكَفَّارَةِ أو لَا يَدُلُّ عَلَى سُكُوتِ الْحُكْمِ أَنِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ النُّسُوسِ فِي الشَّرَعِ تَشْتَمِلُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءِ. Et aussi, donc parmi leurs preuves, la preuve de Al-Jumhur, la majorité des savants, et c'est leur plus grosse preuve en réalité, c'est que le silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la femme, concernant l'expiation de la femme, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité de façon spécifique l'expiation de la femme, cela ne veut pas dire que celle-ci n'a pas d'expiation. Car les textes de la législation englobent les hommes et les femmes. Les textes de la législation englobent les hommes et les femmes, même si c'est l'un qui est cité et pas l'autre. C'est-à-dire, même si ce sont les hommes qui sont cités et pas les femmes, cela englobe les hommes et les femmes. Et même si ce sont les femmes qui sont citées et pas les hommes, cela englobe les hommes et les femmes. أخرج أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. Et donc Abu Daoud il cite dans son recueil selon Aïcha رضي الله عنها qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم fut interrogé concernant l'individu, concernant l'homme, qui trouve le liquide, qui trouve des traces de liquide dans ses sous-vêtements, mais qui ne se rappelle pas avoir rêvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, par rapport à cela, yartasil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par rapport à cela, alors, il fait le rousle, il fait la douche. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé aussi, donc Aïcha qui dit toujours, et il fut interrogé concernant l'homme qui se rappelle avoir rêvé, mais il ne trouve pas dans ses vêtements de traces de liquide. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, la rousla alayhi. Il ne lui incombe pas de faire le rousl, de prendre la douche. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ أَلْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكْ أَعْلِيهَ رُسْلٌ. Umm Sulaym, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme, elle voit cela. Elle va voir ces mêmes traces de liquide. Est-ce qu'il lui incombe donc de se laver? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, نَعَمْ إنما النساء شقائق الرجال. Il a dit oui, certes les femmes sont comme les hommes. Certes les femmes sont comme, sont identiques aux hommes. وهذا يبين لنا أن الأحكام الواردة في الشرع تشمل الرجال والنساء. Et donc cela nous montre que les textes qu'il y a dans la législation englobent les hommes et les femmes. Illa idha dalla dalil as-sarih ala at-tafriq bayna ar-rijali wa an-nisa. Sauf s'il y a une preuve claire qui nous montre la distinction entre les hommes et les femmes. Sinon, quand on voit un texte dans la législation, un jugement, une obligation, une interdiction, la base, c'est que cela englobe les hommes et les femmes. Sauf si une preuve claire vient nous montrer que non, cela est spécifique aux hommes ou alors spécifique aux femmes. إذن في هذه المسألة الحكم عام للرجال والنساء. Et donc dans ce sujet, le jugement est général pour les hommes et les femmes. وقالت العلماء هذه المرأة قد تكون ممن لا يجب عليه الصيام لمرض أو غيره. Et les savants, ils ont cité aussi que cette femme, donc dans le hadith qu'on a cité, l'homme qui a fait un rapport avec son épouse, les savants, ils ont dit que cette femme, il se peut que elle faisait partie de ceux à qui il n'était pas obligatoire de jeûner à cause de la maladie ou autre raison qui fait que il se peut qu'il ne lui était pas obligatoire de jeûner. فَالصَّوَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ Et donc l'avis le plus juste dans ce sujet est l'avis de la majorité des savants, c'est-à-dire que la femme, il lui incombe aussi donc une expiation comme à l'homme. وَأَمَّا الْمَرْأَةَ إِنْ كَانَتْ مُكْرَهَا فَلَا تَلْزَمُهَا كَفَّارَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ En ce qui concerne la femme, si elle est forcée, donc elle a été forcée par son époux, donc elle, c'est pas qu'elle voulait, mais c'est qu'elle n'a pas pu, donc lui en empêcher. À ce moment-là, dans ce cas-là, cette femme-là, il ne lui incombe pas donc une expiation. Il ne lui est pas obligatoire donc de faire une expiation. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah a excusé ma communauté concernant les erreurs, concernant donc l'erreur, l'oubli et ce sur quoi ils sont forcés. » « ثم اختلف العلماء في وجوب القضاء مع الكفارة » À la thalassati aqwal. Ensuite, les savants, ils ont divergé aussi concernant le fait d'associer, le fait de rattraper le jour manquant avec l'expiation. C'est-à-dire que, est-ce que cette personne qui a accompli un rapport pendant la journée de Ramadan, il lui incombe, en plus de l'expiation, il lui est obligatoire de rattraper ce jour durant lequel elle a eu ce rapport. Ou alors, on se suffit de l'expiation. Les savants, ils ont divergé sur ce sujet en trois avis. Al qawl al awwal wa huwa qawl akthar ahli al ilm annahu mulzam bil qada' ma' al kaffara wa dhalika li annahu afsada sawmahu fa ma zala fi dhimmatihi hatta ya'ti bihi. Et donc le premier avis, c'est l'avis de la majorité des gens de science. La plupart des gens de science, ils voient que cet homme, il lui incombe de rattraper ce jour de jeûne en plus de l'expiation. Pourquoi ? Parce que cet homme, il a rendu son jeûne nul. Il a rendu son jeûne nul, il a invalidé son jeûne. Et celui-ci, il lui incombe toujours l'accomplissement de ce jeûne tant qu'il ne l'a pas fait. والقول الثاني أنه لا يقضي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الحديث قضاء وإنما ذكر للسائل الكفارة فحسب. Le deuxième avis est que cet homme ne va pas rattraper le jour. Il ne va pas rattraper le jour durant lequel il a eu ce rapport. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que nous étudions, donc dans le dernier hadith du sous-chapitre, le prophète n'a cité qu'une expiation. Il n'a pas cité le fait que l'homme doit rattraper ce jour. Il n'a pas cité cela. Il lui a dit, est-ce que tu peux libérer un esclave ? Non. Est-ce que tu peux jeûner 2 mois d'affilée ? Non. Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres ? Non. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cité le fait que cet homme doit rattraper de jours manquants. Al-Qawl al-Thalith, le troisième avis. Annahu in kaffara bis-sawmi fa dakhala fil qada wa illa fala. Et donc le troisième avis, c'est que cette personne, si elle fait l'expiation par le jeûne, alors à ce moment-là, elle n'a pas besoin de rattraper le jour de jeûne. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà jeûné, elle a déjà jeûné en faisant l'expiation. Par contre, si elle fait l'expiation par autre que le jeûne, comme le fait de libérer un esclave, ou alors le fait de nourrir des pauvres, à ce moment-là, il lui incombe de jeûner le jour raté. والراجح من هذه أو الراجح من هذا كله قول الجمهور لأن ذمة الرجل ما زالت متعلقة بهذا الصيام الذي أفسده. Et donc l'avis le plus juste de tout ce qu'on a cité ici, c'est l'avis de la majorité des savants, car en réalité cet homme-là, il lui incombe toujours d'accomplir ce jeûne qu'il a raté, ce jeûne qu'il a rendu invalide. C'est un jeûne qui est obligatoire et qui n'a pas été accompli comme il se doit, donc il lui incombe toujours de l'accomplir comme on l'a cité précédemment. وَأَيْضًا لِأَنَّ الْكَفَّارَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَحْذُورِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ وَأَمَّا الْقَضَاءَ فَمُتَعَلِّقٌ بِالْمَأْمُورِ الَّذِي تَرَكَهِ. Et aussi parce que l'expiation, on fait la différence entre l'expiation et le fait de rattraper. L'expiation, elle est liée à l'interdiction que cet homme a accomplie. Tandis que le fait de rattraper ce jour, cela est lié à l'ordre que l'homme a délaissé. Cela est lié à l'ordre que l'homme a délaissé. فلا بد من الكفارة للوقوع في المحظور المستلزم للكفارة. Et donc il incombe obligatoirement d'accomplir l'expiation qui est liée à l'interdiction qui implique une expiation spécifique. وكذلك القضاء لترك المأمور. Et de la même façon, il incombe donc l'accomplissement, le fait de rattraper le jeûne à cause du fait qu'il a délaissé un élément obligatoire, il a délaissé un ordre. Et donc, on va faire la distinction entre le ma'mour ou le mahzour. On va faire la distinction entre l'ordre, ce qui a été ordonné, c'est-à-dire el-imsek, il lui est ordonné de s'abstenir de faire tout ce qui va annuler le jeûne, et il lui est interdit de faire donc le rapport avec son épouse, car cet acte-là va impliquer une expiation spécifique. Et donc on fait la distinction entre l'ordre de s'abstenir et l'interdiction de faire tel acte de façon spécifique. ثم واخيرا ذكرت العلماء رواية اختلفوا فيها صحة وضعفا. Et donc aussi les savants, donc pour finir, les savants, ils ont cité une narration du hadith qu'on étudie, le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, qu'on a cité hier, en début du cours. Et donc les savants, ils ont cité une narration au sujet duquel ils ont divergé. Certains voient que cette narration, elle est authentique, et d'autres qu'ils voient que non. Il y a un rajout dans cette narration. « Fiha ziyada » أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم يوما مكانه. Il y a donc un rajout dans cette ziyada. Il y a un rajout dans cette narration. C'est le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم il a ordonné à cet homme qui est venu l'interroger, il lui a ordonné en plus de l'expiation de rattraper un jour de jeûne. Et les savants, donc je précise, comme je l'ai dit tout à l'heure, les savants ont divergé sur l'authenticité de cette narration. Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, il dit donc que il montre qu'il penche plus vers le fait que cette narration, elle a une base, elle a un fondement. On ne peut pas dire qu'elle est caduque, qu'elle est fausse. Donc voilà par rapport à cela, par rapport à cette narration. Walakin ala kulli hal al-arjah wal ahwat al-qada'u ma'a al-kaffara. Mais dans tous les cas, que cette narration soit authentique ou qu'elle ne soit pas authentique, l'avis le plus juste et le plus sûr, en plus d'être le plus juste, il est aussi le plus sûr, c'est que la personne, l'individu, homme ou femme, elle rattrape le jour manquant en plus de l'expiation. Là, à ce moment-là, la personne va sortir de la divergence et personne ne pourra la blâmer. On va arrêter là pour aujourd'hui et donc la semaine prochaine, on continuera l'explication de ce même hadith. Il nous manque encore un cours, je pense, Wallahu A'lam, pour citer les différents sujets qui sont, qu'on doit aborder dans ce hadith. Donc la semaine prochaine, on abordera ce dernier hadith et on commencera aussi le prochain sous-chapitre. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.